Mais le bébé dit : Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète.